Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alessandra. Tu vas bien? Oui, ça va. Un petit peu enrhumée, j'espère que ma voix va tenir. Je suis sûre, je n'ai aucun doute en toi. Alors, 20e épisode de Crépidule et dernier épisode avant la pause vacances d'été. C'est ça, on va finir un cycle d'épisodes là. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler de toi et de moi et d'amitié entre femmes. Bah ouais, parce qu'il paraît que c'est un truc, c'est pas tellement possible entre les femmes. Ah oui, t'as vu ça? Bah ouais, c'est un peu ce qui se dit. Bon, on se lance. Est-ce que toi, tu es une professionnelle de l'amitié entre filles? Alors non, je suis quelqu'un qui a dû apprendre l'amitié entre filles assez sur le tard, je pense. Et justement, vu que je savais qu'on allait parler de ce sujet, j'ai essayé de me souvenir de mes amitiés filles de mon enfance. Et ce dont je m'appelle, c'est que c'était très compliqué. Et si je remonte, par exemple, à mes 5-6 ans, je me rappelle avoir surtout eu des amitiés avec des garçons. Mais qu'en fait, à un moment, ça devait changer, sans que je sache vraiment pourquoi. Mais c'était comme un sous-entendu, une sorte de contrat tacite, comme ça. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Et ce changement, en fait, il venait avec tout un tas de codes genrés que j'ai eu beaucoup de peine à l'époque à assimiler. J'avais bien compris à travers différentes représentations, livres, films, etc., que l'amitié était quelque chose qui était important et qui devait t'accompagner dans ta construction comme ça identitaire, même si à 5, 6, 7 ans, j'utilisais peut-être pas déjà le... ces mots-là, mais voilà, c'était quand même une idée que j'avais, que voilà, c'était quelque chose qui t'accompagnait dans ton devenir. Mais en fait, j'avais beaucoup de peine à retrouver ça dans les relations avec les filles de mon entourage, et notamment parce que tout d'un coup, avec ce déplacement, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, il y a eu une concurrence assez féroce qui s'est installée entre les filles, et qui était plutôt, je dirais plutôt terne en fait, en centre de conflit. C'était plus ou moins entre qui sortait avec qui recevait le plus d'attention de la part des garçons et des profs, et qui était la plus belle. Et je pense que ce qui était le plus difficile pour moi dans ce changement-là, c'était l'idée de qui est la plus belle, parce que je n'avais aucune idée de ce qu'on demandait de moi pour du coup correspondre à cette norme-là. Et il a fallu que je me lance dans des lectures assez assidues de magazines pour filles, de clips de musique et d'arpenter sans l'accord de mes parents les rayons de maquillage du centre commercial de mon quartier. Et en plus, une fois que tu avais plus ou moins capté ce qu'il fallait faire pour rentrer dans le moule, je tiens à dire que c'était les années 90. C'était donc rouge à lèvres argenté, c'était sac à dos gonflable, c'était chaussures compensées, c'était couette dans les cheveux, c'était eyeliner bleu. Et disons que ça ne marchait pas vraiment avec les habits du voisin que ma mère me fila. Et c'était tout un investissement. Mais tu sais, ce que tu racontes, c'est drôle parce que, alors d'une part, moi j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire une première enfance, une petite enfance dans une relation mixte. On était 3, 2 filles, 1 garçon. Et tout d'un coup, j'ai déménagé vers 10 ans. Et puis là, le côté mixte, justement, ça n'allait plus. Et puis figure-toi que je suis tombée sur un texte, une étude qui a été faite en 2012 sur des interviews en fait, faites à des filles de 9 à 11 ans pour voir comment elles pensaient, elles vivaient leur amitié. Et puis en fait, c'est complètement la norme. C'est-à-dire qu'effectivement, il semblerait que ce soit connu que vers 10 ans, comme ça, on appelle ça l'homophilie. C'est que tu dois être avec les personnes de la même catégorie de sexe que toi. Et ce que tu racontes aussi de cette compétitivité, ça semble être pas tellement une premièrement dirigée pour séduire les garçons, mais plutôt dans le groupe même. Parce qu'en fait, la grande lutte, c'est de trouver la amie, tu sais, celle que les filles ont un peu tendance à appeler la sœur de cœur. Je ne connaissais pas cette expression. Mais... Moi non plus, je ne l'utilisais pas, elle était dans cette étude. Mais c'est tout un travail parce qu'en fait, il faut déjà trouver une amitié réciproque. Il faut la montrer, donc montrer aux autres que c'est ton élu et que voilà, vous partagez quelque chose de secret. Et justement, cette notion de secret, moi, qui m'irritait profondément, en fait, j'ai lu que ça avait ce sens-là de montrer aux autres, tu vois, qui est in et qui est out de la relation. Et puis comme ça te prend tellement de temps de cultiver une amitié, la special one, tu vois, tu peux pas multiplier. Donc, il y a une compétitivité à l'intérieur même des bandes de petites filles pour en fait conserver les dyades et puis les mettre en valeur. Mais tu vois, je voulais juste encore te dire une chose sur cette notion de mixité, parce qu'en fait, on dit voilà, les écoles elles sont mixtes, mais finalement quand on observe les comportements des petites filles et des petits garçons pendant la récréation, c'est pas du tout mixte. Il y a des activités qui sont faites que par les garçons, et c'est vrai que c'est toujours un peu comme ça, le foot, et puis d'autres parties même géographiques de la cour de récréation qui elles sont occupées par les filles. Et puis c'est pour ça, je pense, ça pourrait être intéressant d'essayer d'agir cette mixité, que ça suffit pas juste de dire ok, on est une école mixte et puis ça va se donner de soi, mais qu'il faudrait un peu penser d'une part même les lieux, avec quel type de jeu propose, et puis aussi déjà arrêter à l'école de tout le temps séparer en termes de filles-garçons. Ma fille, elle me raconte, elle a 9 ans, à la gymnastique, au cours de gymnastique, le truc le plus simple pour organiser un jeu, c'est les filles d'un garçon, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, tu vois. Mais puis en plus, c'est pas anodin, en fait, ce lien avec une activité sportive, parce qu'il y a un cliché qui est assez présent concernant les amitiés filles-garçons, c'est que les filles, elles discutent, et les garçons, ils partagent une activité physique. Tu vois, alors que pour les filles, ça semble être l'activité en soi, c'est de vivre l'amitié. Et d'ailleurs, elles n'ont pas envie, dans ces contextes-là, d'avoir une médiation, d'avoir quelqu'un qui organiserait l'activité. Puis c'est aussi une explication qu'on donne à la moindre présence dans les centres de loisirs, aux activités sportives de filles, parce qu'elles vivent leur amitié en dehors de ces sphères-là de manière autonome. Mais ça, je trouve intéressant parce que, déjà, je pense que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que beaucoup de filles et de femmes développent des amitiés autour d'activités. Mais quand même, moi, je me rappelle assez fortement de ça quand j'étais justement un peu dans ces âges-là, 7, 8, 9 ans, d'avoir eu une amie qui était, disons alors, ma best friend, même si je me rappelle assez clairement ne pas l'avoir beaucoup appréciée. Comment t'expliques ça? C'était que, tu vois, il y avait cette attente que tu sois avec une personne très proche. Et en fait, c'était celle-là qui avait été un peu de fil en aiguille devenue celle qu'on me désignait comme étant la plus proche. Après, voilà, aussi, il y a les parents. Je me rappelle que nos parents étaient assez proches. Du coup, il y avait aussi plus de moments où on se rencontrait en dehors de l'école et tout ça. Et que j'ai subi ça comme une pression assez violente comme ça. Et quand finalement, vers 10 ans, nous sommes partis de Suède, nous avons emménagé en Suisse, cette pression-là a lâché. Je ne dis pas qu'après, c'était pas difficile, notamment en termes de langage, pour se faire de nouveaux et de nouvelles amies, mais j'étais contente de pouvoir quitter sans conflit cette amitié-là. Ça t'a sauvé la mise. Mais ça, c'est aussi important ce que tu racontes tu avais l'occasion de voir cette première amie dans un cercle familial, parce qu'il semblerait que voilà, plus il faut vraiment passer beaucoup de temps avec ton amie fille pour que ça reste vivant. Mais ça, effectivement, moi, ce que je trouvais un peu ennuyeux avec cette étude, c'est qu'il n'y avait pas un pendant de comment ça s'organise les amitiés entre garçons. Donc c'est un peu difficile de sentir vraiment ce qui ferait une spécificité ou une autre, quoi. Et puis d'ailleurs, quand on dit que l'attention des hommes se porterait plus sur les activités partagées ensemble et puis celle des femmes sur les sentiments partagés, dans une autre étude de 2011 qui s'appelle « Les hommes, les femmes et l'amitié », ce qu'ils, elles, disent, ce qu'ils, elles, font, de nouveau, quand tu t'approches des particularités, des hommes partagent clairement des sentiments de manière plus forte que ce qui est dit dans les études, et puis les femmes ne partagent pas toujours autant de sentiments que ce qui est affirmé dans ces mêmes études. Mais je pense que justement, cette pression d'avoir une amitié très forte entre filles et non mixte, quand on est jeune, moi ça m'a aussi, ça a contribué un peu à la vision que j'ai eue de mon enfance, où je sais bien qu'il y a cette idéologie de l'enfance comme étant un temps trop éphémère qui passe trop vite, mais moi en fait j'ai vraiment ce souvenir que mon enfance était une longue attente, avec toujours une vie d'autre chose, de quelque chose de plus complexe, et d'un moment comme ça où je pourrais enfin choisir pour moi-même, notamment dans les relations avec les autres personnes. Mais souvent, quand on parle de relations entre filles, que ce soit pendant l'enfance ou surtout à l'adolescence, enfin quelque chose qui la distingue, que ce soit dans la réalité ou quand elle est dépeinte culturellement, c'est la rivalité. Et il y a un post sur le site Pop Politics de la professeure américaine Caroline Heldman qui parle justement de cette rivalité qui est souvent caractéristique de la sociabilisation des filles et qui, moi, je trouve, donne des bonnes pistes pour en fait désamorcer cette rivalité, cette jalousie qui neutralise souvent en fait les amitiés entre filles, entre femmes. Le post parle en fait plus généralement de sexual objectification. Et se veut de proposer des outils pour les femmes et les filles pour naviguer dans une culture qui les traite comme des objets sexuels. Et donc, Heldman, elle parle notamment de l'attention masculine, donc comme on vient de dire avant, et de cette idée enseignée socialement à la plupart des filles, mais aussi aux garçons d'ailleurs, que l'attention masculine hétéronormée est la seule qui en vaut vraiment la peine. Elle explique l'importance de se mobiliser en fait contre ce système de validation qui pousse les filles dans des relations de rivalité entre elles et aussi à ne pas dévaloriser les amitiés ou l'attention féminine. Et dans son poste, Heldman, elle incite ses lectrices à arrêter d'entrer en compétition avec les autres femmes pour gagner l'attention des hommes. Elle conseille au contraire, quand on est face à une femme qui est dans une posture de rivalité, d'utiliser comme arme, comme ça, l'amour, l'approche, l'intérêt. Et je peux dire que pour l'avoir pratiqué depuis quelques années, je peux garantir que ça fonctionne presque à tous les coups. D'abord, il y a souvent un peu un moment de confusion de la part de l'autre personne, mais après, souvent, les armes tombent. Ça, c'est une très bonne stratégie, même guerrière, de désamorcer l'énergie de l'autre. Et puis, ce que tu racontes, en fait, ça m'évoque aussi tout l'investissement de cette notion d'amitié entre femmes de manière politique dans la mobilisation ou les mobilisations féministes. Comme on l'a évoqué, une des grandes actions dans les années 70, c'était justement de se rencontrer entre femmes pour partager les expériences, puis collectiviser les problèmes. Donc là, forcément, c'était aussi une mise en lien des femmes ensemble. Et il y a un terme qui a été beaucoup utilisé, qui est celui de la sororité, hein, qui était une pseudo-relation familiale, mais politique. Et il y a la féministe écrivaine poétesse Adrienne Rich, qui a en fait identifié le rôle de l'amitié dans la constitution de soi des femmes et de son utilité dans les luttes individuelles et collectives contre justement cette domination masculine. Et elle met en avant un concept qui est joli, elle parle de continuum amitié-amour pour en fait dépeindre toute la diversité de relations qu'on peut avoir entre femmes. Puis moi, j'aime bien cette notion parce que c'est aussi, ça met à mal un peu ces catégories de l'amour où on aimerait comme si et comme ça, suivant si c'est une amoureuse ou un amoureux, une amie, une copine. Et ça, voilà, non, il y a on aime, point. Après, il y a des questions de désir, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, justement, je trouve très intéressant parce que moi, du coup, j'ai vraiment développé des relations d'amitié avec des femmes, disons, alors entre guillemets, sur le tard, peut-être autour de mes 25 ans, à l'université, et des personnes qui me sont encore proches aujourd'hui. Et justement, une des choses qui a caractérisé, ou qui, moi, m'a beaucoup apporté dans ces relations-là, c'était la complexité de la relation. D'un côté, parce qu'on se basait sur... la relation se construisait en partie sur des discussions intellectuelles. Et voilà, c'était pas des relations comme justement on peut voir dans les films, ces trucs hyper stéréotypés. Il n'y avait pas non plus de... Voilà, la rivalité est tombée. Enfin, c'était complètement autre chose que ce dont j'ai eu l'habitude. Mais peut-être parce qu'aussi, c'est pour rejoindre ce que tu disais avant, ça demande une certaine assise personnelle, justement, de confiance en soi, quand on sort de tous ces marasmes de l'adolescence et de doutes, d'être plus, voilà, de savoir, d'être mieux avec soi-même pour pouvoir justement avancer de manière plus bienveillante. Mm-hmm. Et puis justement, dans l'héritage en fait de la pensée d'Adrienne Rich, il y avait ce concept d'hétéro-réalité qui était mobilisé, qui en fait visait à comprendre en fait cette invisibilisation dénigrante hein, de l'amitié féminine. Et puis c'est un terme qui est plutôt construit en anglais, l'hétéro-réalité, pour traduire un quotidien qui est construit autour des relations hétérosexuelles, donc avec les hommes, et dans un supposé désir pour les hommes qui serait au centre du quotidien des femmes, qui seraient les vraies relations qu'elles viseraient. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait participé à cette enquête sur les discriminations LGBT au travail à l'Uni, il y avait une femme qui témoignait qu'elle s'était retrouvée à 19 ou 20 dans un refuge de montagne et un homme était arrivé dans ce lieu et avait dit « Ah alors les filles, toutes seules !» Voilà, ça c'est typique comme manifestation de l'hétéro-réalité. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait un groupe de femmes n'est pas ensemble, mais elles sont seules. Sans homme. Et une autre attaque qui est faite pour dénigrer justement l'amitié entre femmes, c'est pour montrer en fait qu'elles seraient pas capables de juste de liens d'amitié, c'est toujours les considérer comme des lesbiennes en fait. Hein. Ou alors, comme tu disais justement, que les amis seraient en fait toujours des concurrentes sur le seul marché qui l'intéresserait, c'est celui des hommes. Alors c'est pour ça que, en fait, pour lutter aussi contre le sexisme, de travailler cette attitude bienveillante et non jugeante et solidaire, ça, bah, c'est déjà un geste politique. Oui, et aussi, je remarque avec ce que tu dis que tu as lu le volume 30 de la revue académique Nouvelles questions féministes, sorti en 2011, qui porte justement sur la question de l'amitié entre femmes et comment elle est étudiée ou non par les sciences sociales et comment aussi elle a servi dans des mouvements politiques féministes. Et il y a un article excellent dans cette revue de la chercheuse, je crois, britannique, Sasha Ross-Nail, intitulé « Mettre l'amitié au premier plan, passé et futur féministe », où l'autrice développe notamment l'importance de l'amitié dans les mobilisations théoriques et militantes des féministes. Et elle montre notamment que l'amitié n'est pas un objet d'études privilégiées par les sciences sociales, qui reste en fait souvent dans une perspective hétéronormée, en se focalisant plutôt sur des regroupements relationnels comme la famille ou le ménage en couple hétérosexuel ou sur le modèle de la famille nucléaire. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que quand tu parles de modèle, ça donne tout de suite envie d'historiciser les choses, de les replacer dans leur contexte historique. Et on se rend compte en fait que l'amitié féminine a pris différentes connotations sociales, un peu entre valorisation et dénigrement, au cours des siècles, et donc différentes réalités pour les femmes. Et justement, dans les années 70, il y a eu quand même tout un mouvement qui s'est penché sur ces questions pour mettre en perspective critique cette invisibilisation des amitiés féminine. Alors une fois de plus, c'était d'abord et surtout aux États-Unis. Mais bon, ces études ont quand même pu se rendre compte que les amitiés féminines ont été très importantes et intenses au 18e et 19e, pour ce qu'on en connaît en Europe et aux États-Unis. Et par exemple, il semblerait que quand on commence à étudier la correspondance de n'importe quelle femme du 19e siècle, non seulement en Amérique, mais aussi en Angleterre, en France, en Allemagne, il y a toujours en fait un attachement passionné à une autre femme qui se trouve dans cette correspondance. Et en fait, c'est au moment du 20e qu'il y a un peu un renversement de cette valorisation. Et puis c'est même à cette époque que s'organise une répression de ces amitiés. Parce que ça peut être considéré même comme un comportement déviant. Et à la fin du 19e siècle, il y avait même un traitement médical du saphisme, donc ce qui était nommé comme l'homosexualité féminine, dont les amies femmes étaient largement suspectées. Et puis c'est au moment justement au 20e où elles ont commencé à acquérir le droit d'étudier, d'entrer en profession, que parallèlement à ça, on a changé un peu un modèle qui les incitait à investir d'abord et avant tout la relation maritale, l'intimité conjugale et familiale. Donc évidemment, les femmes ont continué à être amies, mais ça a commencé à être vraiment mal vu avec cette nouvelle culture du XXe siècle qui mettait l'accent sur l'ouverture entre femmes et hommes, tu vois, développer genre c'est mon meilleur ami, le compagnonnage conjugal, le fait d'avoir des relations sociales, mais en couple, des activités de loisirs qui étaient partagées. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir que suivant les époques, ça n'a pas la même place sociale. Donc, c'est pas naturel, il n'y a rien qui est naturel. Et comme disait Bell Hooks, on fait croire que c'est naturel d'être des ennemis qui sont toujours en compétition. Ouais, Mais justement, je trouve intéressant parce que le fait de historiciser l'amitié permet de montrer à quel point c'est donc socialement et historiquement inscrit et à quel point c'est aussi complexe. Mais ce que je trouve aussi qu'on a gagné en fait en donnant plus d'importance aux amitiés et notamment du coup dans une perspective historique, c'est que ça mettra plus en lumière les dynamiques collectives qui participent aux transformations sociétales. Donc, par exemple, comment des œuvres, des recherches, des innovations sont souvent le fruit de processus complexes qui puisent aussi de leur force créatrice dans des relations d'amitié. Et ça permettrait peut-être de montrer assez clairement que l'histoire n'est pas ponctuée comme ça de coups de génie isolés et transcendants, mais bien d'un travail qui se fait plus en réseau avec des interactions complexes et variées entre différents acteurs. Oui, puis cette notion de réseau, justement, elle est très intéressante pour essayer de penser les changements dans ce domaine-là des amitiés, c'est que c'est le réseau Internet, tu vois, parce qu'il y a toutes sortes de sous-cultures, dans le sens de cultures alternatives qui se développent, qui prennent forme dans, grâce aux, à ces nouvelles technologies d'information et de communication. Et puis là, ça peut être probablement déjà en marche le lieu de nouvelles manières d'être en lien pour les femmes, des nouveaux modèles identitaires. Ouais, moi, je voulais encore peut-être parler du livre Bad Feminist, dont on a discuté il y a deux épisodes, donc de la professeure américaine Roxane Gay. En fait, dans ce livre, il y a un chapitre intitulé « How to be friends with another woman ». Qui est d'ailleurs le premier du chapitre, hein, pour dire comme c'est important, de la partie ouais. Gender et je ne sais plus trop quoi. Et en fait, dans ce chapitre, Roxane Gay donne un peu... C'est assez drôle parce que c'est comme sur le modèle des magazines féminins, justement. Elle donne 13 conseils pour pouvoir être amie avec une autre femme ou pour les amitiés entre femmes. Et c'est des conseils, je trouve, très pertinents parce qu'elles sont très parlantes, justement, des tensions qui peuvent exister dans les amitiés féminines dues à la sociabilisation des filles et des femmes à se considérer comme rivales. D'ailleurs, ça, c'est le premier point de sa liste de savoir-faire. Bon, alors, j'ai noté la liste en anglais. Je ne sais pas si tu es chaude pour faire la traduction en live parce que je sais que toi, tu tiens à ce que... Je pense toujours aux personnes qui ne sont pas anglophones. On essaye, vas-y. Alors, le premier point, c'est « Abandon the cultural myth that all female friendships must be bitchy, toxic or competitive. This myth is like heels and purses, pretty, but designed to slow women down. » Attends, juste, on va aller faire tous ou bien ? Non. Ok. Bon, alors, dans ce premier point, elle parle justement d'abandonner le mythe culturel que toutes les amitiés féminines seraient bitchy, c'est garce, enfin salope, ce serait tordu en fait, toxique ou sous la compétition, en disant que ce mythe, c'est comme une roue, c'est ça ? Non, c'est comme les talons et les sacs à main. Comme un accessoire. C'est mignon, enfin c'est joli. Mais ça ralentit les... Mais c'est fait pour ralentir les femmes. Et justement, je trouve aussi ça intéressant parce qu'elle montre ce truc que le fait de se mettre en concurrence, le fait de, à chaque fois, aborder une autre femme avec rivalité ou avec méfiance, ça marche clairement bien pour qu'on ne s'unisse pas entre nous. Et que ça te desserve toi-même en premier. Enfin, ouais. Et aussi, moi, j'ai bien aimé le troisième point de cette liste qui m'a parlé. Je vais essayer de le résumer en français, où elle dit « Si tu es le type de femme qui dit « je suis plutôt ou je suis surtout amie avec les garçons » et que tu fais comme si tu en étais fière, que ça te faisait un peu plus un homme et un peu moins une femme, parce qu'être une femme, ce serait être quelque chose de plus nul. Il faut chercher de l'aide ou il faut en tout cas commencer à se remettre en question. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je me reconnais vraiment dans ce point, en fait. Parce que moi, à une époque de ma vie, autour de mes 15 à 18 ans, comme ça, je me définissais vraiment comme quelqu'un qui était surtout pote avec des mecs, au point de penser les relations avec les filles, sauf celles vraiment proches, si vous m'écoutez, comme quelque chose de futiles, d'inintéressants qui n'en valaient pas la peine. Et ça, c'est quand même terrible parce que c'est un système de pensée qui est très nocif. Parce qu'au final, si tu dévalorises les filles, tu termines automatiquement par te dévaloriser toi-même, puisque tu es une fille. Et je pense que j'avais aussi cette idée fixe que la plupart des filles, c'était chiant de traîner avec. Et parce que j'avais cette idée fixe que c'était compliqué, que c'était des histoires, alors qu'avec les mecs, c'était plus simple. Mais aujourd'hui, quand j'y repense à cette époque, beaucoup de mes amitiés avec les mecs, pas toutes, mais en tout cas certains, n'étaient clairement pas d'une simplicité cristalline non plus. Et après, cette idée a changé avec les années. Et donc, comme j'ai dit avant, surtout à partir du moment où j'ai rencontré des amis à l'université, où on a basé justement en partie notre amitié sur des discussions intellectuelles et notamment autour des questions féministes, mais aussi beaucoup sur des échanges sur la vie. Et je ne sais pas comment dire, mais c'est aussi des amitiés féminines dans lesquelles j'apprends beaucoup de choses, mais aussi des endroits où je me sens extrêmement à l'aise, je sens que c'est un bon environnement, c'est quelque chose qui est à la fois sûr et inspirant. Et peut-être on peut aussi parler de notre relation à toi et à moi qui c'est aussi enfin qui est née à l'université et que on disait avant qu'il y a cette idée que les hommes développent des amitiés autour d'activités, mais je trouve que nous on fait quand même pas mal d'activités. D'ailleurs, on se voit peu en dehors de malheureusement de l'enregistrement du pod. Bah d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que je réfléchissais aussi à ce goût que j'ai toujours en moi de faire des choses ensemble. Parce que je trouve quand même qu'il y a une dimension qui est vraiment extra de faire. Et quand on produisait des fanzines, j'adorais ces moments ateliers où chacune découpait, fabriquait ses parties. Parce que je trouve qu'il y a une autre complicité qui se met en place. Puis je me marrais, puis j'étais là. Ouais, bah, la deuxième activité qu'on a choisi de faire, eh bah, c'est de parler. Et en fait, il y a une question qui est très forte dans cette thématique, c'est quel modèle, finalement, on a pour se projeter dans ces amitiés féminines. Bon, alors, j'ai commencé à réfléchir autour des films pour enfants et vraiment, j'ai pas trouvé de films pour enfants qui passent vraiment le test de Bechdel. Alors, on le ressort souvent, ce test, mais que cette illustratrice de BD a mis en scène. Elle était inspirée par une amie à elle, d'ailleurs, qui avait eu cette idée en 1985. Donc, les trois points, c'était que dans un film, il y ait au moins deux personnages féminins qui soient nommés, parce que ça, c'est encore une chose particulière, qu'il y ait au moins une conversation entre ces deux personnages féminins et que cette conversation parle d'autre chose que des hommes. Et donc là, il y a vraiment très, très peu de films de Walt Disney qui passent, ou autres, pour enfants, qui passent la barre. Après, il y a les films de Miyazaki qui figurent d'autres personnages féminins. Fifi Brindacier. Hey, mais est-ce qu'il y avait les deux voisins là Ouais. Ouais, ça doit passer. Ouais, bah, comme par hasard, c'est suédois. Oui. Et puis autrement, il y a toujours le même film qui est mis en avant. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui de Thelma et Louise en 1991 avec Gina Davis et Suzanne Sarandon. Oui, mais quand même, à la fin, elles se suicident parce qu'elles ont tous les policiers et les maris et les machins à leur trousse. Donc la seule issue, c'est la mort. Donc. Oui, c'est ça. C'est une histoire un peu classique de deux femmes qui se rebellent comme ça contre la domination masculine et qui en payent le prix fort à la fin. Voilà, donc c'est pas non plus hyper inspirant. Après, j'ai réfléchi, on en avait parlé dans l'épisode 15 des Foxy Five, qui est cette web-série sud-africaine qui met en scène cinq personnages féminins. Alors là, clairement, ça passe sous la main le test de Bechdel. Et d'ailleurs, le dernier épisode est sorti aujourd'hui. Donc c'est à la fois youpi parce qu'elles ont réussi à monter de manière autoproduite leur série de 6 épisodes, et puis Sniff, parce que ben voilà, c'était le dernier aujourd'hui. Mais là, c'était une amitié où je trouve qu'il y a des choses très stimulantes. Il y a les échanges, comme tu en parlais avant, à la fois personnels et politiques. Il y a les désaccords qui sont présents, qui sont assumés, qui sont discutés. Il y a l'occupation de l'espace public, qui m'avait beaucoup plu, à la mode masculine, qu'on relègue au masculin, d'occuper vraiment l'espace, de poser, de boire, de fumer, de discuter sans autre gêne. Et puis, elles font aussi plein d'actions ensemble, que ce soit des actions politiques ou aller danser, ou toutes sortes de choses. C'est ça, et dans cette web-série, l'amitié devient vraiment un espace un espace politique. C'est ça, et bienveillant. Après, qu'est-ce que j'ai... Ah, il y avait un film, je ne sais pas si tu l'avais finalement vu, c'était The Spy en 2015 avec Melissa McCarthy et Rose Byrne. Tu l'avais pas vu finalement ? Bah là, c'est hyper chouette, c'est vraiment deux femmes qui sont très amies, très complices. C'est dans le domaine de l'espionnage, bon, au xème degré. Mais tiens, comme par hasard, c'est des figurations féminines qui ne sont pas conventionnelles. Elles ne sont pas du tout dans les canons de beauté. Mais quand même à relever qu'à la fin, l'héroïne principale, disons, choisit plutôt de finir son aventure rocambolesque avec une soirée passée avec son amie et non pas la soi-disant récompense d'une nuit avec le beau héros qui pourtant, lui, serait bien partant. Donc ça, c'est pas rien pour démonter aussi le mythe du prince charmant qu'on attendrait toutes. Ce qui est drôle, c'est que la seule raison pour laquelle je connais ce film, c'est qu'il y a Jason Statham qui joue dedans et que c'est mon amour de jeunesse. Tu vois, tu ramènes tout aux hommes. J'essaie de t'élever, mais sans succès. Et puis autrement, pour rester aussi dans notre contexte podcastien, il y a aussi Grace and Frankie. Ah ouais, hein? J'attendais que tu le dises, sinon c'était pour moi. Ah bah vas-y, alors parle-en. Bon, alors Grace and Frankie, c'est une série qui est passée sur Netflix. Combien de saisons 2, non? Oui. Il y a la troisième qui va sortir. Avec la géniale Jane Fonda et maintenant je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Lily Tomlin. Oui, qui est tellement marrante cette actrice. Et en fait, c'est quoi le plot ? C'est que ces deux... C'est deux femmes qui vont... Bah, là, alors c'est marqué dès le départ, elles sont expulsées de leur vie hétérosexuelle puisque leurs deux maris en fait sont amoureux l'un de l'autre et vont et leur avouent après 20 ans de cachotterie qu'elles sont ensemble et là qu'ils sont ensemble et là bon pour x ou y raison elles vont devoir vivre ensemble et là on a un peu tout, c'est-à-dire que il y a un des deux personnages féminins qui aime pas du tout se confier, donc qui est pas du tout dans ces envies de papoter de choses et d'autres, l'autre oui, donc comment elles vont gérer ça, et puis aussi elles montent un business ensemble. Et ça, c'est vachement cool aussi. Oui, et puis aussi, c'est donc des femmes plutôt âgées. Je pense que les actrices ont 70 plus. Et que c'est aussi... Bon, il y a des choses un petit peu clichés. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus la première fois qu'il y a des séries drôles sur des femmes qui vivent ensemble à un certain âge. Mais là, c'est quand même, ça reste très intelligent et ça aborde aussi des questions féministes. Clairement. Et puis ça donne vraiment envie, on se réjouit d'avoir 70 ans. Mais justement, il y a en fait un article dans le Post sur des genres cinématographiques. Il y en a un qui s'appelle Bromance. T'avais entendu parler de ça ? Non. Alors en fait, c'est après les grands épopées amicales masculines des années 80-90 qu'on surnommait les buddy films, c'est les films de copains, comme genre L'Arme Fatale, Men in Black. Dans les années 2000, il y a un nouveau genre qui est apparu, c'est la bromance, et c'est une contraction de brother et de romance. Ah oui, ça je savais, je croyais que tu parlais d'un film en particulier. Non, c'est de ce genre-là. C'est les films que t'adores, hein, avec les films de Judd Apatow, Very Bad Trip, ou bien encore American Pie. Je tiens à dire qu'Alessandra est maintenant ironique. Et puis en fait, ça met en scène une amitié entre deux ou plusieurs hommes qui reprend en fait les codes de la relation amoureuse hétérosexuelle, c'est monogamie et serment à vie. Et en fait, dans ces films-là, il faut désamorcer la menace homosexuelle, tu vois, qui plane sur ces relations très proches entre personnes de même sexe. Et puis aussi, c'est des héros qui auront un peu à prouver donc, et leur hétérosexualité et leur virilité. Parce que souvent, c'est des figures qui ne sont pas dans les canons de la masculinité dominante. Donc voilà, ils peuvent être gros, geeks, pas beaux, puceaux, glandeurs, etc. Et du coup, alors pendant tout le film, ça sera tout le temps des remarques bien sexistes. Leur grande mission, c'est essayer de coucher avec Bidule ou Trucmuche ou les deux à la fois. Et donc en fait, sous couvert de cette définition de l'amitié entre hommes, il y a derrière une réaffirmation vraiment nauséabonde de la norme hétérosexuelle. Et en fait, plus tard, dans les années 2000, il y a un nouveau genre qui est sorti qui s'appelle les romances, tu vois, de woman et romances. Donc là, on voit déjà que le côté fraternel, il n'a pas passé la rampe du nom, parce que c'est pas les sisters romances, je sais pas comment on dirait. Donc le côté bro, il est passé à la poubelle, tu vois. Et puis ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que vous verrez dans l'article sur le Post, il y a une critique comparative détaillée avec plusieurs films. Mais voilà, en guise de teasing, on se rend compte que dans ce genre de cinématographique, en fait, bah voilà, ce qui intéresse les femmes, c'est quoi ? C'est les hommes. Et puis, même si elles vivent des plans, enfin des scènes qui seraient plutôt typiques de ces films masculins, elles peuvent, tu vois, se droguer, faire des plans cul ou faire du vomi rigolo. En fait, comme socialement, c'est pas très bien vu ce genre de comportement. Si elles se droguent, c'est en fait parce qu'elles sont pas satisfaites de leur vie. Et puis, si elles sont pas satisfaites dans leur vie, bah, c'est qu'elles n'ont pas encore réalisé, elles se sont pas encore réalisées, bah oui, dans le mariage, tu vois, elles n'ont pas encore trouvé la personne. Donc en fait, c'est pas du tout un pendant qui pourrait être similaire, parce que même si ces films de Women's reprennent les codes un peu borderline masculins d'humour potage, d'alcool, tout ça, bah, en fait, ces films laissent de côté ce qui est positif, donc l'amitié, l'entraide, et puis le bonheur d'être ensemble. Mais bon, comme d'habitude, on va quand même prendre... Une petite note positive pour la fin, c'est que j'ai vu qu'il y a de nouveau dans les thèmes des Occupy qui viennent des États-Unis. Donc il y a Women Occupy Hollywood, donc toute une volonté de se réapproprier ce monde de production cinématographique mainstream. Vous verrez aussi leur site qui est en lien avec. Il y a un peu comme une charte comme ça qu'elles aimeraient voir appliquée. Et puis il y avait dans le dernier festival de Cannes la comédienne Jessica Chastain qui était membre du jury et puis qui a fait en fait tout un petit speech en disant à quel point dans tous les films qu'elle avait vus, elle reconnaissait pas du tout les femmes qu'elle connaissait dans la vraie vie. Des femmes bah voilà, qui soient proactives, qui puissent avoir leur propre point de vue. Donc bah voilà, alors là où je ne partage pas le point de vue de Jessica Chastain, c'est qu'elle espère qu'il y ait plus de femmes qui fassent du cinéma. Pour moi, ce n'est pas ça l'utopie, parce que je ne pense pas que ça doit être une chasse gardée des femmes, de montrer des femmes, mais qu'enfin le cinéma corresponde plus à la réalité diverse. Alessandra, Lynn, est-ce que tu sais depuis quand il y a des signes à Genève ? Depuis toujours, évidemment, comme tout. Eh bien, tu te trompes. Oui. J'ai fait une descente du Rhône l'autre jour et il y avait un monsieur de Pro Natura qui nous a fait une petite visite comme ça de la faune rhônesque. Ou Ronin, je ne sais pas comment on dit. Alors, il nous a raconté que les signes sont en fait à la base des animaux de Sibérie qui ont été importés en Suisse, à Genève, au XVIe siècle. Et en fait, la personne qui a amené les signes au XVIe siècle, il en a pris 12 de la même famille. Et du coup, depuis le XVIe siècle, les signes se reproduisent entre eux, sont complètement consanguins. Et c'est pour ça que à Genève, les signes sont un petit peu plus débiles qu'ailleurs. Ah, mais tout s'explique, parce qu'alors vraiment, quelle capacité de nuisance, hein, comme ils sont bêtes et méchants, c'est ça alors. C'est ça. Bon, pour dire quand même, en leur défense, que depuis un petit moment, maintenant, on fait des efforts pour amener d'autres signes, d'autres familles, pour que voilà, tout se... cette génétique puisse un peu se diversifier. Ben, tu vois, je trouve que c'est une très bonne allégorie pour finir cette saison. Vive la diversité. Yes. Et pour dire qu'on participe cet été à une petite édition et qu'on va vous donner des nouvelles là-dessus sur Twitter et Facebook. Ça marche, je suis sûre de cela. Ça marche. Et surtout, passez un joyeux été. Et toi aussi, Lynn. Et toi aussi, Alessandra. À la rentrée. Tchuss. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter aussi sur iTunes.